Freddy Itaga. Oui, qui est un avantage, mon île, mon conseil, pour la combo. Où t'es pas Adolphe, tu la moyenne. Salut, unité que va s'y avir. Résultat avec quoi c'est mon amie. Disque dur, y'a pas ce traîner. Restez ou partir. Qu'est-ce que si on évalue? Degré à souffrance orthotique et la noyée. T'as assuré que ma coco capre dit ta gueule. Président Toukaï. Mère et fils. Balekin yana kobe tapik. Ougous et Pondou. Tala leki bangone joué de dame. Freddy Manoba. Nakaya kampe bani sonda. Jean-Louis Mbanga, Didier Ngoïpex. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. On l'a dit au palais, au yamaï. Souffrance manga et bani. Josephine Chituka. Bozo baranda na pesa ti kanti. E pa ya koba pa pesa nganda kwa kola la. Impossible. Nga ina telengani. Honorable Bokendi Honoré, il est maqué de Moni et à Karine, Maître François Mpoué. Roi de Yamou Patapier. Bruno Lubika. Pierrot loi de ya. Mignango y sali yo ye. Tout d'un coup au commis amnésique. Mémoire no y commis formaté. Je suis cabassé. L'émission au Freddy Taga. Freddy mon point industriel. Ce que je crains. C'est ce qui m'arrive. Nous allons qu'au Pama. Freddy Aboy Amay. Aboy Iba. Nickel Sarayaka. Calvaire Nangaye Bandi. Enoch Lukusa le fragment. Bonjour, banan, kaina pesa ki kanti. Et pa ya koba pa pesa nga pesa konala. Impossible. Maman Elise, maman Chichi, Vincent Gomez. La gosa la mini. Olivier Zanaki automatique. La côte sa vitesse est bloquée. Bonne journée, bonne carrouille. Chacun a connu le locaux. Sous quel mine la pelle de ma cause de la caca. Pour le canard qui prédit mes lumières, ma ligne n'a pas souci. Ramoté ma rayée, malgré mes formes, ma salive. Locaux, tout nombre multiplié par zéro, gazéré. Qui top en allouant la qui top en moi. Bonne journée, côté kangana et canazana qui. Ma pile y a respawn. Ministre de camion, y'a pas de yo, Freddy Itaga. La scène qui m'invite à mon moyen cinq lettres. Et le cola anticonstitutionnel, le moment est de cinq lettres. Cendre minéraire, je t'aime. Mariage à roi, tout est à la cana qui nous vit. Et bon, pourquoi tes familles bakot à problème? Batina gamo à la grosse que les loyers la commis baguette. Licolo y'a ma souci la yoye. Freddy Itaga. Maman n'a pas eu le calé. Anne-Marie Masson. Dans la ligne. La yo automatique. Je suis mon élève en la télé, mon démon. Leila Goka, My Boss Sarah Ndenge, Docteur Egide, Fiston Boali, et tant que dia honorable, Major Pekanga Ndababu.